Section 94 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e, section 94. Mars au champ, par Gaspard de Cherville, chapitre 1, Dernier froid. Il est de l'hiver, comme de tous les autres maux qui affligent notre humanité. Il suffit d'un rayon de soleil ou d'une lueur d'espérance pour qu'il soit oublié. Une demi-douzaine de beaux jours, il n'en a pas fallu davantage pour vivifier la campagne et, du même coup, la physionomie des braves gens qui l'habitent. Le ciel brumeux du lendemain a beau ramener ses teintes grisâtres et mornes sur le paysage, la tonalité plus verdoyante des seigles, des blés, des prairies, le glacis jaunâtre dont les dessous forestiers sont déjà colorés comme la brise tiède qui court dans la vallée, proteste contre les derniers vestiges de la mise en scène hivernale et annonce l'heure où le décor printanier prendra sa place. Les travailleurs, de leur côté, ont abdiqué l'indolence mélancolique de leurs allures. Au jour du repos forcé, ils vont, ils viennent, plus actifs, plus pressés, comme il convient à des gens qui vont entrer dans la bataille. Et sur les sommets de la colline, quelques charrues cheminent méthodiquement, ajoutant sans relâche une vague brune aux ondes de terre que représentent les sillons. Ce n'est pas encore le printemps, mais ce n'est déjà plus l'hiver. Il faut revivre par la pensée les jours cruels que l'on vient de traverser pour comprendre l'ivresse intime avec laquelle un pauvre diable de campagnard accueille ce bienfaisant rayon qui rend quelque tiédeur à l'atmosphère et décide les bourgeons à faire poindre leurs émeraudes dans leurs chatons d'or brunis. On aurait tort d'accepter l'éclaircie pour autre chose que pour une promesse, mais cette promesse a son prix. Elle atteste que nous en avons fini avec les frimas, que nous ne sommes point dépossédés de cette douceur, de cette clémence du climat, le précieux privilège de notre terre de France. Nous ne nous autoriserons pas de cette amélioration de la température pour vous entretenir du réveil de la végétation. Nous n'oserions même pas affirmer que nous avons surpris un frisson indiquant qu'il était proche. L'imagination se prête aisément au mirage qui la caresse. Après une longue traversée, le navigateur est toujours disposé à prendre quelques nuages de l'horizon pour cette terre à laquelle il aspire. Et puis enfin, le prélude de ce réveil ne se traduit que dans d'imperceptibles détails, des redressements de brins d'herbe qui, pour ne pas nous échapper, n'en présentent pas plus d'intérêt. Lorsque l'on se montre trop agacé des rigueurs de l'hiver, les âmes charitables manquent rarement de vous représenter en manière de consolation que, si elles sont désobligeantes, elles ont pour compensation l'immense avantage de débarrasser nos récoltes de tous leurs ennemis, insectes et menus quadrupèdes. La razzia, à notre profit, de tous les criminels, par le bonhomme à barbe blanche, est passé à l'état d'article de foi. Cependant, de celui-là comme de beaucoup d'autres, s'il faut en prendre, il faut aussi en laisser. Nous ne nierons pas que la nature nous ait traités avec quelque bienveillance, mais c'est pure présomption de croire qu'elle nous ait sacrifié la plus humble de ses créations en instituant des fléaux spéciaux qui nous en délivrent. En sa qualité de bonne mère, jamais elle n'a oublié d'instituer un instinct pour servir de correctif à la faiblesse et, en ce qui concerne son but, cet instinct distance très souvent notre intelligence. La science météorologique a pris, depuis quelques années, un grand développement. Grâce aux télégraphes, aux observatoires, ces renseignements rayonnent sur les deux hémisphères. Cependant, quelquefois, elle se trompe. Plus imparfaitement outillée, une hirondelle, un mulot, une fourmi sont plus pertinemment renseignés lorsqu'il s'agit de fuir un mauvais temps qui s'approche ou de se mettre en mesure de braver des gelées mortelles. Un de nos amis fouilla, après une de ces gelées, une fourmilière. il la trouva descendue à 60 centimètres de la surface du sol, c'est-à-dire précisément à la profondeur à laquelle le gel est parvenu. Nous-mêmes, ayant eu à la fin d'un de ces derniers hivers à faire démolir une énorme provision de feuilles sèches ramassées à l'automne, nous y découvrîmes une énorme garnison de mulots qui y avaient hiverné. Ils s'étaient également réfugiés en bon nombre sous les buttes de feuilles et de litières qui abritent les artichauts, et, comme le rat du fromage, ils y avaient trouvé le vivre et le couvert. Enfin, c'est une erreur de croire que, même dans les champs, ces menus rongeurs soient beaucoup plus maltraités. Comme la taupe, ils savent très bien se garantir de la gelée en gagnant les profondeurs, quitte à exécuter des sorties lorsque la faim les talonne pour ronger les écorces, particulièrement celles du pommier dont ils sont très friands. Si flatteuse qu'elle soit, sachons donc rompre avec cette conviction que le ciel doit se charger de notre défense et faisons nous-mêmes notre police. Fin de la section 94, lue par Sophie France à Veules-les-Roses en décembre 2024.